Exercice 8, page 68. A. C'est chaud. Transformer. C'est trop chaud. B. C'est drôle. Transformer. C'est trop drôle. C. C'est haut. Transformer. C'est trop haut. D. C'est peu. Transformer. C'est trop peu. E. C'est vieux. Transformer. C'est trop vieux. F. C'est bleu. Transformer. C'est trop bleu.